Chapitre 9e. Trois jours après la visite que Mlle Trevenoch avait faite à leur père, Barbara recevait une lettre contenant un coupon de loge pour l'opéra. C'était un fait sans précédent à la Villa des Roses et qui défraya la conversation depuis la réception de la loge jusqu'au lever du rideau. Le premier acte fini, les deux sœurs, rayonnantes de fraîcheur et de beauté, s'amusent à examiner la salle, non pas avec une lorgnette, mais avec des yeux pleins de vivacité. Il leur semble soudain qu'on frappe à la porte de la loge. « C'est le marchand de lorgnette, » dit Florence. « Je vais le remercier de son obligeance. » Elle ouvre aussitôt la porte et se trouve face à face avec M. Penrith, le client du Cornouailles. « Je vous ai aperçu, » dit-il, « de l'autre côté de la salle et j'espère que je peux sans indiscrétion venir vous présenter mes hommages. »« Maman, M. Penrith, un des clients de mon père. M. Penrith, ma mère. » Barbara tressaille, se lève et rougit, mais ce n'est pas de plaisir, évidemment. « Que pensez-vous, madame, de ce premier acte ? » dit-il en s'adressant à Madame Trevenoch. Puis il prend un siège comme un homme qui est chez lui. « Ces demoiselles sont-elles satisfaites ? » ajoute-t-il en regardant Barbara. C'est, comme toujours, Florence qui répond. « Comment voudriez-vous que nous ne fussions pas ravis ? Je ne sais d'où est venue à mon père la bonne inspiration de nous envoyer ce billet. » « Quand je suis à Londres, j'ai très souvent des loges et je m'estimerais trop heureux de pouvoir vous en offrir si vous voulez bien m'y autoriser. J'imagine donc que c'est vous qui avez donné ce coupon à mon père ?»« Oui, c'est moi, qui le lui ai envoyé sans savoir le bon usage qu'il en ferait. » L'habit noir, la cravate blanche, les gants paille, les bottes vernis prêtent une certaine élégance à l'aspect si vulgaire de M. Penrith. La toile se lève. L'attention de Florence est partagée entre le théâtre et l'étranger, qui ne pouvant arracher un mot à Barbara, fait d'autant plus de frais pour sa mère. Le spectacle terminé, M. Penrith offre le bras à Mme Trevenoch, puis la fait monter en voiture ainsi que ses filles. Il donne leur adresse au cocher qu'il paye malgré les protestations de Mme Trevenoch. « Eh bien, maman, que dites-vous de ce personnage saugrenu ?»« Moi, je le trouve charmant, » répond la mère avec son enthousiasme habituel. « Oh, maman !» s'écrie Barbara d'un ton indigné. « Il gagnera certainement être vu une seconde fois et nous enverra encore des billets, soyez-en sûrs. »« Vous ne savez pas combien il m'est antipathique, » reprend Barbara. « Je suis résolue du reste à ne plus mettre les pieds dans ses loges. »« Quelle exagération ! Pourquoi se monter ainsi contre les gens qui peuvent vous être utiles et agréables ? Je suis plus conciliante. » Deux jours après cette soirée passée au théâtre, M. Penrith se présente à la Villa des Roses. Il vient offrir à ces dames un billet pour l'opéra. « Comme c'est aimable, Monsieur Penrith, » dit Madame Trevenoch en s'adressant à ses filles. Barbara reste silencieuse. Florence rougit de plaisir en balbutiant. « C'est précisément l'opéra que je désire le plus entendre. »« Je suis heureux, » répond-il, « de pouvoir satisfaire vos désirs. » Monsieur Penrith prolonge un peu sa visite, mais il bat en retraite sans avoir entendu Barbara prononcer une seule parole. « Tu n'es vraiment pas assez poli, » dit Florence à sa sœur. « Je n'ai que faire, moi, de ses prévenances et de ses amabilités. Ne voyez-vous donc pas que c'est papa qui lui a donné notre adresse ?»« Cela montre, en tout cas, chez lui, plus d'instinct paternel que je ne lui en supposais. »« J'appelle cela, moi, une cruelle insulte, car c'est la preuve qu'il nous croit capable d'épouser un homme uniquement pour sa fortune. Il n'a pas le droit d'envoyer ici cet individu. »« Il a parfaitement le droit de témoigner de l'intérêt à ses filles. »« C'est après qu'il les a laissées croître comme de l'herbe sauvage ?» « Tu t'imagines, parce que tu es fiancée, que personne ne doit songer au mariage ?»« Florence, tu ne consentirais jamais à épouser un homme aussi grotesque. »« Ce n'est pas mon idéal, mais toute une vie peut se passer à la recherche de l'idéal et je crois qu'il est toujours prudent d'accepter le premier millionnaire qui se présente. » La visite de M. Penrith a jeté le désaccord dans le trio féminin. Mme Trevenoch et Florence ne parlent que de leurs nouvelles connaissances, tandis que Barbara ne peut même pas en entendre prononcer le nom. Elle se refuse obstinément à accompagner sa mère et sa sœur à l'opéra et elle reste seule à la Villa des Roses. « Quel malheur que Barbara soit fiancée au capitaine Leland, » dit Mme Trevenoch à Florence quand elles sont en tête à tête. « Pourquoi, maman ?»« Parce qu'elle aurait certainement pu épouser M. Penrith. » Il y a à peine une heure que Barbara est seule à la Villa des Roses quand elle entend sonner « C'est le facteur ». Elle se précipite vers la porte et reconnaît au crépuscule l'écriture du bien-aimé George Leland. Elle rentre dans le salon en courant, se tient debout dans l'embrasure d'une fenêtre, brise le cachet de la précieuse épître et dit « Je vous écris ces lignes, ma bien-aimée Barbara, pour vous dire adieu. Un nouveau courant s'empare de moi. Des événements de force majeure ne me permettent plus de poursuivre la réalisation de nos vœux. Je dois le dire en homme d'honneur. Une ombre s'étend sur ma carrière, une ombre si épaisse que je ne puis accepter qu'elle tombe sur vous. À quoi bon entrer dans les détails? Vous ne sauriez me comprendre, hélas. Je ne comprends pas moi-même ce qui m'arrive. Que Dieu veille sur vous, ma bien-aimée. Si plus tard on parle mal de moi, l'humiliation d'entendre calomnier votre mari vous sera du moins épargnée. Adieu, Barbara. Je vous rends votre liberté. Ne me considérez plus comme un vieil ami, mais permettez-moi de vous renouveler l'assurance d'un amour qui ne finira qu'avec la vie. George Leland. » Un sentiment d'effroi inénarrable s'empare de Barbara. Elle demeure terrifiée, les yeux attachés sur cette fatale lettre, cherchant à s'expliquer cette épouvantable énigme. Il la prévient qu'elle entendra mal parler de lui. Le scandale a donc été bien grand. Elle sent l'aiguillon de la honte, la torture de l'inconnu. Pourquoi ce mystère? Quelle en est l'incroyable raison? Son amour pouvait tout entendre, tout supporter. L'honneur lui interdit de se marier. Ah, sans doute elle doit accepter ce sacrifice, mais non sans protester contre la rigueur du sort. Barbara s'assied devant son bureau et crie « Votre lettre m'a brisé le cœur. Si vous ne m'aimez plus, il ne me reste qu'à courber la tête sous votre arrêt. Mais si vous m'aimez encore, rien au monde ne saurait me détacher de vous. Que m'importe ce qu'on peut penser? Je méprise toutes les attaques qu'on pourrait diriger contre mon héros. Je vous estime comme je vous ai toujours estimé. Je vous aime comme je vous ai toujours aimé. Je vous admire comme je vous ai toujours admiré. George, ayez foi en moi, comme ma foi en vous, Barbara. » Quelques larmes tombèrent des yeux de Barbara en écrivant ces lignes. Ne voulant pas confier à sa mère ni à sa sœur ses chagrins, elle remonte dans sa chambre. Les voiles impénétrables de la nuit sont ce qui convient le mieux à sa douleur.